que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Lo mío está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Qui arrive, et avant, c'est le best-of de Mickaël. 23h sur Énergie dès aujourd'hui pour l'écouter avec Tof, Amina et Polo. Appel bienveillant avec cette information très importante. Nous savions déjà que les femmes sont près de 80% à se masturber. Mais une nouvelle étude du magazine Top Santé, magazine sérieux, donc Amina, nous apprend que 40% aiment le faire avec leurs copains. Elles préfèrent donc se masturber en couple. Super. Bah quoi ? Ravi pour ces gens. Eh bah tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Donc du coup, Tof, tu appelles pour annoncer cette bonne nouvelle ? Bah, évidemment. Évidemment. Donc on appelle évidemment comme d'habitude grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà masturbé avec votre femme monsieur ? T'es qui le petit pédé ? Tof monsieur, moi je m'appelle Tof. Et tu sors d'où toi ? Bah de Paris monsieur. Comment ça, on se connaît pas ? Ah non, on se connaît pas, moi j'ai pris votre numéro sur 118-218 monsieur Toutouyoutou. Bref, on va vite commencer, tu me reposes deux questions, je oui. Te pêche. En fait, moi je veux savoir si vous masturbez parfois avec votre femme. Arrête de me poser des questions comme ça, je vais te pêcher, ouais. Vous voulez me pêcher, mais pourquoi, monsieur ? Je suis pas un poisson. C'est quoi ces questions débiles, ouais ? Bah, elle est pas débile, monsieur, la question. En fait, je veux juste savoir s'il vous arrive de vous masturber avec votre femme. Je t'ai dit, arrête de me poser cette question, sinon je mange ta York. Ma York ? Qu'est-ce qu'un York, monsieur ? Ta daronne, tu préfères. Ah oui, d'accord, mais non, enfin, ça se mange pas, monsieur. C'est... Ok, pourquoi tu poses des questions ? T'as pas autre chose à faire ? Ah bah non, monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerais pas. Mais je sais pas, t'as pas un travail ? Ah non, après, moi je suis au chômage. C'est tard, tu travailles pas la journée ? Ah non, non, ni la journée, ni le soir, ni la nuit, ni jamais, en fait, j'ai jamais travaillé. Eh bah putain, t'as jamais travaillé de ta vie ? Non, jamais. T'as pas de femme ? Ah non, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Mais t'as quel âge ? Moi, 38 ans. Putain, t'es vraiment un trou de balle. Y'en a marre des gens comme toi qui foutent rien. Bah pourquoi monsieur ? Enfin, je comprends pas. Parce que, ouais. Des feignants comme toi qui travaillent pas de la journée et qui en plus qui nous dépouillent. Bah non, je vous dépouille pas monsieur. Vous contribuez un petit peu à mon salaire et je vous en remercie, c'est vraiment très gentil. C'est vrai que. Toi, tu mérites bien des petites claques quand même. Des claques pour quoi faire, monsieur? Enfin, je comprends pas. Mais travaille, bouge-toi le cul, réveille-toi. Bah, pourquoi faire, monsieur? Mais parce que tu vas pas rester toute ta vie chez toi et avec ta mère. Bah, si, pourquoi je devrais aller ailleurs? Moi, je suis bien chez maman. Non, non, non, non, non. Il va vraiment falloir que tu te bouges le cul. Hein. Bah, ça va servir à quoi, monsieur? Écoute-moi bien, la prochaine fois, tu vas me rappeler. Oui. Je te laisse une semaine pour trouver un travail. Oui. Si t'as pas trouvé un travail, je te monte en l'air. Ah bah, y a aucune chance que je trouve un travail, monsieur. Moi, je compte rester à la maison. Bah, tu veux... Donne-moi ton adresse, tiens. Bien sûr. Alors, c'est 22... Ouais. R-U-E... Bah, c'est bon, tranquille, j'ai le bac. Hein. Bah oui, on sait jamais, parce que parfois, les gens, ils font des fautes. Et Boileau, monsieur, comme le poète. Ah ouais, c'est vrai que je connais ce poète. Ah bah voilà, et donc c'est à Paris, dans le 16e arrondissement. Bah... T'es sûr que c'est ton adresse? Ah oui, je suis sûr, monsieur, que c'est mon adresse, hein, parce que ça fait longtemps que j'habite là. Hein. Ouais, bah je passerai peut-être un de ces quatre. Eh bah écoutez, je vous attends, si jamais j'ai pas de vos nouvelles, j'hésite pas à vous rappeler, hein, parce que vous êtes vraiment fort sympathique. Et juste, j'aimerais bien parler à ta mère. Ah bah si vous voulez, monsieur, moi je vous rappelle demain, et puis vous pouvez parler avec maman. Ouais, parce qu'elle est pas là, là. Non, là elle est pas là, elle est partie travailler. Elle travaille à cette heure-là? Oui, maman travaille à cette heure-là, oui. Je me demande bien ce qu'elle fait comme travail, cette pute. Ah bah ça, je sais pas, monsieur, elle me dit pas. Elle travaille pas à Bois de Boulogne? Ah bah non, ça je pense pas, hein, monsieur. Ah, ça m'étonnerait pas, hein, cette petite caire. Oh non, monsieur, non. Bah écoutez, je vous rappelle demain avec maman, d'accord? Attends, repose-moi juste ta question déjà. Oui, je voulais savoir si vous vous masturbez parfois avec votre femme. Avec ma femme? Oui. Ou avec votre copine, ou avec votre plan cul, après c'est vous qui voyez, quoi. Je préfère quand c'est elle qui me le fait, quand même. Ah oui, d'accord, mais donc vous vous masturbez jamais avec votre femme? Comment ça avec elle? Eh ben, vous masturbez chacun, vous êtes ensemble dans la même pièce et vous masturbez l'un l'autre. Ah non, c'est moi qui lui fais ou elle qui me le fait. Ah oui, d'accord. Eh ben écoutez, vous devriez savoir qu'il y a presque 40% des femmes qui aiment faire ça, hein, monsieur. Donc peut-être vous devriez proposer à votre femme. 40% solo ou avec leur mari? Non, avec leur mari. Il y a 40% des femmes qui aiment faire ça avec leur mari. Enfin, avec leur copain. Et tu la sors d'où, cette statistique? Ah ben, Top Santé, monsieur, le magazine. Ouais, c'est vrai que tu es tout. Attends, tous les soirs t'appelles des gens comme ça? Oui, c'est ça. Et ta mère, le con? Ah non, bah non, ça je le dis pas à maman. Ah ok. Bon bah tu me rappelles demain. Eh bah je vous rappelle demain avec maman, monsieur, pas de problème. Bah allez, vas-y, ciao frérot. Allez, bisous, monsieur, hein, au revoir. Vas-y, bisous, ciao. Eh ben voilà, bon bah encore un nouvel ami, hein. Ça y est. Ben, très charmant. Ouais, mais attention, si t'as pas un travail, ça va mal se passer. Hein. Ouais, il va me monter en l'air. Il va te monter en l'air. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies et tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai ça. t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Est-ce que vous allez bien? Tout roule pour vous. Bienvenue sur NRJ, voici un extrait de l'émission du Réco Show sur NRJ, 20h-23h, chaque jour de la semaine. Et après, il y a Open Back, ça le fait de bon matin. Le podcast du Réco Show, 20h-23h, sur NRJ. On va parler des relations, tu sais, un petit peu toxiques, mon Sylvain. Ouais. C'était déjà arrivé, toi, la toxicité? Entre nous Non, t'es dans l'amour, quoi. Souvent, quand t'es avec une meuf, t'es dans une relation toxique, mais tu sais pas t'en rendre compte. Et puis surtout, t'en souffres avant, après, pendant, quoi. Bah ouais, parce qu'elle te bouffe en fait. Ouais. Tu vois, soit elle est avant toi, soit elle est toujours sur toi. Ouais. Non, mais c'est compliqué. Ouais. Et après, une fois que tu te sépares, ouais, tellement qu'elle a pris, comme une montre religieuse, elle a pris l'empreinte, ouais, sur tu toi. Tu veux pas continuer à aller sortir des mecs des maisons? Non, mais dans le sens qu'après, toi, ouais, tu regardes ce qu'elle fait, tu regardes ses stories, ouais, tu regardes avec qui elle est. Ouais. Ouais, après, t'es comme un mec, quoi. T'es pas bien. Il y a Solène, justement, qui elle, en vit une, elle veut savoir si elle est dans cette relation effectivement ou pas. Elle a fait le 0870 42 48. Ça va, Solène? Salut Rico, salut l'équipe. Salut ma poulette, Solène de Lille. Alors qu'est-ce qui t'arrive, toi? Justement, t'as une relation toxique, elle est présente, elle est passée, elle est future, elle est comment? Raconte. Ouais, on s'est séparés il y a quelques semaines. Ouais. Parce que je pense que voilà, c'était trop compliqué, c'était plus possible, mais j'arrête pas d'y penser, j'arrive pas à passer à autre chose. Je regarde ses stories tout le temps. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est passé. Donc t'es plus avec la personne. On va te dire effectivement si c'est toxique ou pas. J'ai devant moi, les amis, et ça a été fait par des grands scientifiques. Je vous le dis. Les symptômes d'une relation un peu pourrie, un peu sous l'emprise d'une autre et d'une relation qui est pas bonne et qui est toxique. En parlant, Sarah est de retour. Ça va, Sarah? Ouais. Non mais attends, plus jamais. Quoi? Le mec au début, je le pensais timide. Après, il m'a fait du rentre dedans de dingue. Sylvain, il s'est barré comme un lâche. Le gars en fait pas voulu porter plainte, mais limite, donc ouais, il faisait que m'appeler, donc j'ai dû le calmer avant de venir. Un délire, je ne le fais plus. Tout va bien, ça. Tout va écoute bien. C'est vous qui allez décider. Dites-moi, RICO NRJ. JM, une relation toxique, ça t'est déjà arrivé? Ben ouais, quand la fille elle en fait trop, tu vois, genre elle te laisse pas sortir, déjà ça c'est interdit. Ouais. Quand elle est trop jalouse, qu'elle veut voir ton téléphone, c'est interdit. À un moment donné, c'est pas possible, tu vois. Bien sûr. Parce que toi tu le fais pas non plus si t'es pas comme ça, et au final la meuf elle t'étouffe, et après ben voilà, ça c'est toxique. Alors comment s'en rendre compte, les amis? On a des choses très précises. Le premier, vous répétez une conversation imaginaire dans votre tête avec cette personne quand vous êtes plus avec, ouais, et que la relation elle est toxique, elle est en train de vous pourrir, que vous êtes sous l'emprise de cette relation, vous avez été en couple, derrière c'est fini, mais vous répétez des conversations, vous avez l'impression que vous n'avez pas tout fait bien, donc vous êtes en train d'essayer de la rattraper, vous imaginez des trucs, ouais, genre t'es avec elle en train de rattraper l'histoire, déjà quand ça tourne en rond dans ta tête, c'est que c'est pourri. Ouais, on se refait les scènes, moi je me suis plusieurs fois refait des scènes, moi avec mes ex, à part actuellement, ouais, j'ai eu que des relations toxiques. D'accord, donc ça s'arrêtait, ça reprenait, ça exactement, s'arrêtait, ça reprenait. Et c'était vraiment horrible, et moi j'étais vraiment pour le coup avec des mecs qui me trompaient, et moi je restais comme une moule accrochée à son rocher, c'était vraiment, non mais j'en souffrais. Et tu te refaisais des scènes en disant peut-être tout j'ai loupé à ce moment-là, voilà, quand il m'a proposé ça, j'ai pas dit ça, j'ai j'aurais pas dit bon dire truc, ça, etc. Ah ouais, tu refais l'histoire dans ta tête. Je refais tout le temps. Solène, c'est un petit peu ce qui t'arrive là en ce moment, tu refais l'histoire dans ta tête? Ouais, carrément. En plus, on s'est déjà séparés deux fois. Et... Oh là, mais c'est bon, c'est mort, ouais, excuse-moi Solène, ouais, désolé, mais. Et on se rappelle que des mauvais souvenirs en général. Ouais. Tu vois, c'est pas bon. Ouais. Est-ce que t'es là? Tu penses pas aux bons souvenirs, t'es non, là ouais. T'es là à refaire un petit peu le monde. Vous êtes tenté aussi de vous remettre en couple avec cette personne, même si vous savez que la relation elle est pourrie, qu'elle est toxique. Oui. Ouais. En fait, t'es tenté. C'est-à-dire que tu dis dans ta tête, on n'est pas fait l'un pour l'autre parce que elle, elle est trop âgée ou on n'est pas dans le même délire ou tu vois. Et puis finalement, tu sais pas pourquoi, t'as quand même envie d'y aller. Tu sais que par exemple, la meuf, elle, elle est attirée par de l'oseille que t'as pas, mais tu veux te remettre avec alors que t'as pas un rond et que tu sais que ça, tu vas pas la souvenir parce qu'elle est dans ce côté oseille. Ou tu sais que la meuf, elle est dans un autre délire, elle veut des gosses et que toi que t'en veux pas parce que tu fais des études ou parce que c'est pas ton délire, mais pourtant tu veux te remettre avec alors que ça, ça ne va pas changer. Dès que vous allez vous remettre ensemble, ça va pas changer. Ben, c'est justement la facilité en fait, tu vois. Après, tu te dis putain, tu plais plus, tu sais pas comment aller draguer, tu restes longtemps et tout. Et la facilité, c'est de retourner vers la personne, c'est vrai. Sauf que quand le vase il est cassé, c'est impossible de retourner vers la personne. Tu te fais du mal, il y a encore trois symptômes, je vous en parle. Ariana Grande sur Énergie, on fait le point avec Solène, je suis sûr que ça arrive à tout le monde. On a des trucs qui reviennent comme ça, des relations toxiques, même dans l'amitié des fois, hein, c'est chaud. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Alors j'ai deux raisons pour que vous écoutiez Koé sur Energy, parce que l'émission est grave drôle déjà, quand on passe une journée compliquée ça fait du bien, et puis parce que aussi Koé vous offre aujourd'hui à 17h30 10 000 euros au Cash Cash Energy. Inscription par SMS au 7 10 12, vous envoyez Koé sur le message, et d'ailleurs il est là Koé. 17h-20h, c'est Koé sur Energy. On y va ? Ouais. Allez, je vais combien de personnes ? Je vais, 3. Okay. Je vais être honnête avec vous. Quoi ? C'est chaud ? Tu crois pas ? Ça marchera pas ? Je le sens pas. C'est nul ? Ça demande une certaine concentration. C'est pour d'accord. ça que tu fais des claquettes. Ouais. Ah non, faut que ça marche, ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que je garde les ça trois. Fonctionne. Ça, c'est la relaxation. C'est le moment où, si j'ai les trois personnes, ça marche. Guy Claude est en stress. Mmh. Tendu, moi, je joue ma vie à chaque fois. Il les a essayés, il m'a dit, Coco, en théorie, ça répond. Mais il est possible que les gens aient répondu une fois et ne veuillent plus répondre. Mais oui. C'est possible. Nous appelons monsieur Papane. Papane. Madame Betty. Monsieur Well. Papane, Betty. Ouais. Attention. Et quand nous avons les trois en ligne, nous obtenons la plus belle phrase du monde. Bon, Madame Betty, si elle répond. Je crois que tu viens de comprendre. Moi, je ne l'ai pas, moi. Allô ? Bonjour, vous êtes Madame Betty ? Vous êtes Betty ? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment allez-vous, Betty ? Très bien. Très bien, je vais vous présenter Betty, Monsieur Papane. Vous êtes là, Monsieur Papane ? Oui, bonjour. C'est bonjour, moi. C'est Monsieur Koé, je vous présente Betty à l'appareil. Bonjour. Voilà, et là, j'ai besoin de vous pour tenter une expérience. Nous avons Betty, nous avons Monsieur Papane, allô, oui. Nous avons Caroline. Madame Well, vous êtes là ? Oui, allô ? Bonsoir, Madame Well, c'est Koé à l'appareil Énergie, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente bonjour. Madame Well, Monsieur Papane. Et, allô, et je vous présente Betty. Voilà. Alors, à l'appel de votre bonsoir. Nom, dites-moi oui. Betty ? Oui. Papane ? Oui, bonsoir. Well ? Oui ? Betty ? Papane ? Oui ? Well ? Oh, fais chier ça. Betty, Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas ton petit soulier. C'est ton petit Koé parce que c'était très perso. Bravo, bravo Betty. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. It's been 24 hours anymore, I was with you. You spent the weekend getting even. Oh. Spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah.

Ah oui, d'accord, voilà. Ok, c'est très bien. C'est toujours des connards à l'école, de toute façon. Bon, oh, bah écoute. Hein. Ouais, bah ça c'est sûr, on en a une à côté de nous, là. C'est pas sympa pour toi. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, bah je te passe Polo pour devenir doux. Je rappelle que ce sont uniquement les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et qui n'ont pas encore mué, qui peuvent prétendre à ce statut. Avant de commencer, j'ai une question. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Faire du piano. Ok. Comment t'appelles-tu ? Je ne peux pas le dire. Très bien. Oui. Quel âge as-tu ? L'anonyme. 14 ans. L'anonyme, 14 ans, je ne sais pas qui tu es. Tu as décidé de devenir douce officielle ? Oui. Personne ne t'a forcé ? Non. Moi, Apollo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande, l'anonyme. L'anonyme, mets-toi à genoux. C'est l'anonyme, avec ton téléphone, tape-toi sur la tête avec. Doucement, bien sûr. Ah oui, c'est ça, t'as bien tapé. L'anonyme. Oui. Insulte-toi, dans le respect de ta personne, de Macron et de la vie et de l'humanité et de ta famille. Je suis conne. Bon, ça va. L'anonyme. Oui. Toi qui es pianiste, tu as décidé de t'accepter dans la grande armée des doux qui est une vraie armée. L'anonyme, j'ai décidé de t'appeler la douce Chopin. Chopin étant un pianiste, hein, ah oui. Pour ceux qui savent. Voilà. Okay. La douce Chopin, ça eh ben très bien. La douce Chopin, oui, tu vas pouvoir va. Donc mettre ça sur tes réseaux sociaux si tant est que tu en es, puisque je rappelle que c'est illégal, hein, bien entendu. On bien ne peut sûr, pas à cet âge-là avoir un réseau quel qu'il soit, bien sûr. C'est pas 14 ans maintenant ? Ah, peut-être que c'est 14 ans. Bon, à ce moment-là, bah, tu peux le faire, hein, n'hésite pas. Et je rappelle qu'en tant que douce officielle, tu as évidemment un accès privilégié au standard. Si tu dois nous appeler, tu dis que tu es la douce anonyme. La douce anonyme. Tu dis que c'est la douce Chopin et boum, tu passes en priorité. Que ce soit inscrit dans le grimoire, Tof. Oui, en sac à merde. En train de jouer sûr. À son jeu, là. Bon, et Aminax soit indiqué dans le standard c'est également. Je te repasse. Fini de manger. Voilà. Je te repasse Amina, la douce Chopin, et nous allons t'envoyer un petit cadeau. Merci. Je t'en prie, je te fais des gros bisous, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao à toi. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, Tiago, Tiago, Tiago. C'est c'est tout frais dans la playlist Énergie. Marnik et Smack. Encore LSD, que du bon hit là sur Énergie dans un instant. Et puis je voulais partager ce passage du Rico Show sur Énergie, c'est mes potes. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Eh oui les amis, et elle est faite de façon anonyme. Vous mettez votre petit bulletin dans l'urne et vous dénoncez vos camarades. Super. JM, c'est toi le premier. T'es vraiment un énorme suce-boule. Après avoir sucé Rico pendant plus d'un an, après avoir sucé Kenji à l'instant, maintenant t'arrêtes pas de sucer Benaïm. Benaïm qui est donc la présentatrice de son émission qu'il fait sur C8 tous les lundis avec sa chronique. T'es même allé jusqu'à te laisser dessiner sa personne dans les cheveux. Ouais. Mais t'as pas honte. Oh. Rien ne t'arrête. Ben ouais, c'est que le début. Ne vous inquiétez pas, je suis prêt à beaucoup de choses. Non mais c'est le show, on s'amuse, on s'en bat les steaks. Il est bon, J. Moi je vous aurais répondu pareil, Sylvain. Ouais, il a un trou derrière la tête maintenant, je peux dire. Ouais, les amis, c'est dur hein, parce que sa femme, rappelez-vous, il avait fait un tatouage au niveau de l'aine. Alors pour aller à la gâterie, ça devait être sympa. Hein, maintenant il a ça au niveau de la nuque. Chez le coiffeur c'est dur pour Sylvain qui te fait des gâteries. Parce que la nuque, ça dérange pas ta femme. Potard, qui se barre à l'étranger pendant les vacances de Noël. Non. C'est pas une coïncidence, je vous assure. Sera s'est débrouillé pour avoir aucun cadeau à faire à Noël. Ah ouais. Répugnant, comme d'hab. Il a pris le budget cadeau, il s'est dit je barre à Marrakech, comme ça je suis pas là pour Noël. Bonsoir tout le monde. C'est vrai. J'ai changé de religion d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ça y est. D'accord. Je pars à Marrakech, donc voilà. D'accord, il est musulman. Et puis quand ce sera l'Aïd, il passera. Il passera. Pauvre Sarah, elle me fait de la peine. Bon, elle a organisé un dîner au resto de ses parents et personne n'est venu. LOL. ça vous montre la popularité de cette pauvre dame. Déprimant. Mais c'est vrai, pourquoi vous n'êtes pas venu? Bah écoute, moi je voulais venir. Toi tu sais. Voulais, mais personne on d'autre. A reporté et JM veut encore te fausser compagnie. Ouais, pourquoi tu veux pas venir? Mais je vais venir. Mais les amis, j'ai un de mes meilleurs potes de Marseille qui vient. Et nous on est quoi pour toi? On est ta famille, ok? Mais oui, je sais bien, mais en janvier, venez en festin. Non, mais ils peuvent venir, on les invite, on tire la table et ils payeront même pas. Arrête un peu, Sylvain. Bon, par contre, le dimanche, il y aura une bonne chasse, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez bouffer dans le resto de Sarah, c'est ça sur une coulante. Tu sais quoi, je vais t'afficher et je vais enregistrer le sonore, je vais dire à mes parents ce que tu viens de dire devant. Toi samedi au resto, tu vois. Arrête, tu rigoles. Et t'auras rien à manger. Oh non. Et tu vas, payer. Ouais, ça, c'est pas alors. Si, tu vas payer. Attention. Cette bouffonne de Sarah a été convoquée dans le bureau du Big Boss de Energy. Et cette pauvre meuf est arrivée en retard dans son bureau car elle a voulu se faire un ravalement de façade avant bah d'y oui, aller. Bah oui. Tu voulais quoi? Le pécho ou quoi? Pas du tout. D'ailleurs, Sarah, vieille loseuse, dis-moi pas qu'il a voulu relancer ta carrière de chanteuse. Oh. Alors, tout ce qui s'est dit dans ce bureau restera dans ce bureau. J'ai un immense respect pour cette personne-là qui m'a vraiment encouragée à continuer dans tout ce que je fais. Oh là, voilà. D'accord, et bravo, merci bravo. À lui. D'accord, bravo, bravo. On lui passera le message. Sylvain, ce crevard fait des posts sponsorisés par un petit magasin de téléphone mobile. Mais espèce de blaireau, tu crois grâce à ta vieille gueule, il va en vendre plus de téléphones? Non mais sérieux, fais de la pub pour des capotes discount à la rigueur. C'est bon. Mais tu crois qu'en faisant des pubs pour le téléphone, c'est un ami. Il arrive à voir les gens en disant hey, tu sais quoi, je te fais une pub sur Insta. Mais qui va aller acheter des téléphones? C'est un ami. Voilà ce que je fais pour les amis, moi. Ouais, c'est de ma personne. C'est beau, écoute. Enfoiré, hein. On aimerait tout ce que tu l'as fait. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie.

mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Énergie, ça fait une heure que je parle à la radio, dans le plus grand des calmes, et je me suis même pas présentée. Je m'appelle Marie, salut tout le monde. Alors, Georges Ezra est là pour la suite des hits, mais avant, c'est les meilleurs extraits de Manu dans le 6-9 sur Énergie, avant qu'il arrive à 6h pile. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Tous les matins sur Énergie. Joyeux Noël. On va lire les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter, et puis on va écouter les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas à en envoyer. Nico lit tout, Nico écoute tout. Et hier, on a chacun dit qui avait attirer notre attention ces dernières 24 heures. Absolument, ouais. Nous avons fait ça là hier dans l'émission. Absolument, ouais. C'est vrai, absolument, c'est et, vrai. Et sur Facebook, il y a Iris qui dit « Je suis infirmière et un patient un peu âgé m'attendait chez lui en slip. » Oh là. Ça peut mettre hyper mal à l'aise, ça. Et moi, ça m'est arrivé de faire un peu comme ça, de me précipiter pour me mettre en sous-vêtements chez l'ostéopathe. Mmh. Il m'a dit calmez-vous, calmez-vous, je vous dirai quand vous vous mettrez en sous-vêtements. Oula, ouais. Tout de suite. Sauf que là, je crois que le patient un peu âgé l'attendait chez lui en slip en mode. Ouais, c'est ça. Ouais. En mode, on sait jamais, ça peut lui plaire. Hein. Ouais. Je pense pas que toi, chez l'ostéopathe, c'était même. C'est ça. S'il dit ouais, je savais que vous arriviez comme ça en slip, ça fait un peu peur, quoi. Ouais. Ouais. Mais même sans rien dire en slip, ça fait peur. Hein. Ouais. Donc, qui a attiré votre attention, c'est là 24 heures. Il y a Juliette sur Twitter qui lit une mamie au supermarché qui insultait une caisse automatique. Mais elle lui parlait ? Ah bah apparemment elle devait répondre à, du coup à la machine. Ah oui, c'est assez chelou. Peut-être qu'elle avait pas, c'est le genre de personne qui insulte son GPS aussi. Ouais, ouais, je putain, t'aurais pu me faire passer par un autre endroit. Je ne peux pas te répondre. Tony sur Facebook, il dit un mec aux toilettes qui sifflait hyper fort. C'est gênant, les gens aux toilettes. Alors vous savez pas ça, vous les filles, mais nous les mecs, quand on va dans les urinoirs et qu'on est 5, 6, 7 les uns à côté des autres, ouais. Un mec qui siffle, c'est très bizarre. Mais oui, ouais. Parce que toi t'es stressé et lui il est détendu. Pourquoi il est aussi détendu? Mais je pense qu'il est autant stressé que nous, hein. Mais lui il fait genre je suis détendu en sifflant. Ouais, encore pire. Vous, c'est fou parce que vous êtes obligés d'être aux toilettes ensemble alors que nous on adore aller aux toilettes ensemble en fait. Oui, mais vous adoreriez pas être les unes à côté des autres pour faire une pipe? Franchement, non. Trop, on discuterait, ça ferait comme un petit sac. Non, mais coller un. Ah, pas poil. Coller. Nous on est collés, hein. Ah oui, avec un tout petit muret. Ah oui, bah nous on a pas de muret, nous. Voilà, et quand t'as un petit zizi, crois-moi, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, j'imagine. Oui. Bon, t'as eu un sondage, Manu, qui disait que secrètement 15% des gens dans le monde se rongeaient les ongles des pieds. Mais on a parlé hier de ça. Ouais, oui. Exactement. Et ben voici un message vocal qu'on a reçu du coup le soir, hier soir, sur notre application Manu en 6-9. Bonjour Manu, bonjour les Wawins. Alors j'avoue, après l'info des gens qui se rongent les pieds, j'étais très curieuse, j'ai fait les tests en rentrant chez moi. Et oui, je suis capable, même si je ne me considère pas très souple. Et jusqu'au petit doigt. Et vous, est-ce que vous avez fait les tests? C'est bon à savoir, si jamais on est dans une île déserte, on peut aussi faire la pédicure quand même. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est génial. Totalement perché. C'est génial. Totalement perché. Waouh. Bon, jusqu'à la fin, tu dis à un moment, c'est bon, j'ai compris le message, et à la fin, non. Ouais. Une pédicure sur l'île déserte. Bon. Ok, on en écoute un autre. Ouais, un coup de gueule maintenant contre toi, Manu. Mais il m'a beaucoup fait rire celui-là. Ce message s'adresse à Manu. J'en ai marre. Tous les matins, tu te fous de la gueule de mon prénom, Bernard. Je sais pas, va chercher d'autres prénoms. Gérard, par exemple, c'est sympa aussi, Gérard. Ah merde, c'est mon deuxième prénom. Bernard, Gérard. Merci papa, merci maman. Ah, il a... C'est vrai que souvent, quand j'imagine une scène, je dis « Bah alors Bernard, qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, c'est facile. Ouais. C'est le premier prénom qui me sort. Ouais. Et Bernard, en plus, il a tous les âges et il sert à tout. Parfois, il est stagiaire, parfois de ouais, Bernard, ton personnage. Non. Je suis désolé, mais le mot Bernard est très très pratique. Mais oui, c'est trop bien. Courage, courage, c'est trop bien. Bon, on termine avec une astuce pour nous, les filles. Astuce de filles. Si toi aussi, en hiver, tu en as marre de passer ton temps à remonter tes collants, et c'est très chiant, fais comme moi, mets un body et attache ton body par-dessus le collant et ton collant ne bougera plus. D'accord. Alors, nous, c'est pas Instagram. Hein. Nous, c'est Énergie, c'est la radio, c'est la nuance. Voilà. Mais je suis ravi de savoir qu'on peut mettre un body par-dessus un collant. Ouais. Ouais, il vient de me sauver 2-3 journées où j'ai galéré. Hein. Écoute, on veut pas le savoir. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. C'est tout frais. Tout frais dans la playlist Énergie. Énergie. Ava Max. You'll be saying no, no. De ce lundi 17 décembre sur Énergie. Énergie, l'horoscope. Et pour une fois, je le commence dans le sens inverse. Alors, pour les poissons, les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très bien et vous permettront d'établir des contacts utiles à votre expansion. Les scorpions, de petits problèmes sans gravité sont possibles en famille. Si vous avez des enfants, méfiez-vous de votre tendance à rechercher la perfection. Les sagittaires, votre situation financière devrait être stable et sans histoire. Pourtant, dans ce domaine, comme dans d'autres sens, la chance pourra se faire sentir et valoir à certains une amélioration de leur niveau de vie. Les capricornes, dans votre vie de couple, l'imprévu fera place à la monotonie grâce à la complicité de Vénus. Les Verseaux, les astres favoriseront un climat d'harmonie et de compréhension dans le domaine de l'amitié. Les Béliers, sport, alimentation, sommeil, et si vous décidiez maintenant d'améliorer votre hygiène de vie. Les Taureaux, célibataires, un coup de foudre est possible et même probable. Quelqu'un dans votre entourage en pince pour vous. Les Gémeaux, dans le travail, méfiez-vous de certains collègues jaloux qui chercheront à vous nuire. Les Cancers, privilégiez la vie de famille, invitez vos parents ou beaux-parents. Les Lions, vous bénéficierez du soutien de Mercure, la planète de la persuasion par excellence. Pour ceux que vous aimez, vos désirs seront des ordres. Les Vierges, dur de faire des économies et pourtant vous vous rendez bien compte que vous devez absolument améliorer l'état de vos finances. Et enfin, les Balances, sous la vigilance de Jupiter, vous entamerez une période de grande forme physique. Des fois je bug, c'est normal puisque c'est condition du direct. C'est le retour sur Énergie avec Dadju, voici Jaloux et le meilleur du meilleur. Le best-of de Manu dans le 6-9 avant qu'il arrive en direct à 6h sur Énergie. I'm fighting a battle, yeah. I'm fighting.

your name upon me. I put it in my wallet, hoping I see your face again. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be sur Energy dans deux minutes, mais avant, si vous aviez loupé ça, bah c'est très très mal. Non mais écoutez, c'est top. C'est Manu dans le 6-9 sur Energy, extrait que je partage avec vous. Manu dans le 6-9 sur Energy. Joyeux Noël. Je vous l'annonce, nous sommes tous des ouin-ouin. Ah, on oui. fait tous à un moment dans notre vie un truc, on se dit mais qu'est-ce que j'ai été con. Vous ouais. pouvez aussi nous appeler au 0 870 42 48. Partageons ces moments de tristesse absolue. Ouais. Pourquoi on le fait? Parce que Isabelle, j'ai envie, si j'avais une couronne, je te la mettrais sur la tête. C'est quoi? Merci Manu, je suis fière. Miss Ouin Ouin 2018. Ouais, ouais. C'est moi. S'il te plaît, partage avec nous ce que t'as fait hier. J'ai appelé Orange avec le téléphone de mon mec, parce qu'en fait je pouvais plus ni appeler, ni aller sur internet, plus rien ne marchait. Son ouais. smartphone était cassé quoi, genre voilà. Galère. Plus rien. Un truc trop énervant, ouais. Je pouvais plus aller sur les applis, c'était buggé, complet quoi. Mmh. Donc j'ai appelé Orange, mmh. et en fait j'étais en mode avion. Oh non! Si! Juste son téléphone, oh, était, elle l'avait mis en mode avion, sans faire exprès. Oh là là. Je m'en rappelais plus quoi. Mais voilà. C'est à cause de toi qu'on attend 6 minutes en attente chez Orange, c'est à cause des gens comme toi. Pour le coup, j'abonde dans le sens de glandu. Ouais. Mais en plus, c'est vrai parce que la dame était hyper gentille, elle a fait plein de recherches, elle est dans mon dossier, elle a vérifié s'il n'y avait pas une panne dans mon quartier. Et ce qui est génial, c'est que ton mec a complètement abandonné quoi. Parce qu'il aurait pu te filer un coup de main et juste voir que t'étais en mode avion. Je crois que je le saoule un peu avec tout ce qui est technologie. un peu. Ouais. C'est vous avez compris le principe? Ah ouais, ah ouais. C'est bien ça. 0 870 42 48. Vous pouvez nous appeler si vous en avez, si vous avez des moments ouais, aussi. On en a tous hein, Nico. Moi j'étais un gros moment. En fait je suis rentré chez moi et j'arrivais pas à ouvrir ma porte d'entrée. J'ai essayé pendant 5 bonnes minutes. J'ai envoyé un SMS à ma femme pour dire est-ce que t'as fermé le loquet qu'on ferme jamais, machin et tout. Et en fait, là, je baisse les yeux et j'ai vu que c'était pas notre paillasson. En fait, j'étais au premier et pas au deuxième. Moi, j'habite au deuxième. Ah ouais, ça peut poser problème. Premier, c'est bien. C'est un bon truc pour moi, ça. Et en gros, le voisin est à l'intérieur et il est mort de peur. Il se dit, il y a un cambrioleur, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il regarde par le petit œil tourlésie, mais c'est qui celui-là? Il est taré. Et il dit à sa femme, vas-y, appelle la police. Et la femme, elle dit, mais je peux pas, mon téléphone marche pas. C'était Isa en mode avion. Tiffen, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Allô. Quel a été ton dernier moment, ouin-ouin? Alors moi j'attendais un cadeau de Noël qui devait m'être livré par la poste. Et après 2 semaines sans rien recevoir, ben, je me suis aperçue que je n'avais pas validé la commande. Oh non. Ah, ça oui. c'est pas mal. Ouais. Alors dans le même style avec les trucs comme ça, je suis allé à la poste, j'ai fait la queue parce qu'il y avait vraiment de la queue pour retirer le recommandé que j'avais reçu. J'avais oublié de prendre le papier du recommandé. Oh non. Ouais, Et là, t'as l'air d'un con. Ah, hein, c'est dur. Quand t'as fait ta queue pendant 20 minutes. Ah, c'est long. Hein. Tu dis, ah, je reviens. Allez. Merci de nous avoir appelé, Tiffaine. Votre moment moins glandu. Moi, il y a quelques jours, mon micro-ondes sonne après 4 minutes de réchauffage de mon plat surgelé. Donc j'étais un peu excité. Logiquement. Oui, c'est bien connu, hein, quand il y a le micro-ondes sonne, on est comme des dingues. Ouais, waouh. Il lui en faut peu à glandu. Hein. Et non, mais tu sais quoi, il découvre le monde avec des yeux d'enfant. C'est ça. Et ça, c'est comme si c'était la première fois qu'il faisait un plat au micro-ondes. C'est, ouais, bien, c'est, ouais, bien. Et là, j'ouvre mon micro-ondes, vide. Vide, et le plat était posé à côté du, oh, micro-ondes. Ah, j'avais oublié l'enfourner, quoi. Ouais. C'est toujours mieux, tu as ton plat, parce qu'imagine, tu ouvres, pas de plat à l'intérieur et pas à côté. Qui a bouffé mon plat? Ça aurait été bizarre. Et là, t'as un mec qui court derrière, je lui ai niqué son plat. Déborah, bonjour. Oui, bonjour Manu, salut les Wouin. Quel a été moment Wouin, Déborah? Où t'as envie de le dire, toi? Ouais. Du coup, moi, je tchatchais sur le net avec un garçon. En fait, j'ai oublié que la webcam était allumée. J'ai mis mon pyjama devant. Et du coup, j'ai paniqué, j'ai tout éteint parce que j'étais à poil. Oh, ah ouais, mais attends, tu tchattes avec un mec sur internet que tu ne connaissais pas? C'est ça, très peu. D'accord, très peu. Et t'oublies que t'étais en webcam? Oui, j'ai fait autre chose entre, oh, deux, et puis je suis revenue de camp et je me suis mis en pige et j'ai carrément oublié. Mais tu vois, mais le mec il t'a rien dit pendant ce temps-là? Tu m'étonnes, le mec il dit rien, il ferme sa gueule. Justement, je savais pas s'il avait vu ou pas parce que lui il était pas en webcam. Du coup, j'ai éteint. Et c'est genre 2 heures après qu'il m'a expliqué qu'il m'avait vu et tout, j'étais trop gênée. Oh là là. Ah, le gars, c'était le plus beau jour de sa vie, quoi. Ah ouais? Et il a dit, waouh, voilà. Oh là là, Déborah, elle est open, waouh. Il avait des trucs à faire, il est resté chez lui, quoi. Ah, il s'est ouvert un coca. Ouais. Le mec, il faut savoir qu'il est chirurgien, le mec. Il a dit, non, je suis occupé là pour la palicite, on prend ça plus tard. Je peux pas vous expliquer, Martine, je raccroche. Merci de nous avoir appelé, Déborah. Votre dernier moment, Paulette? Je me suis mise à lire un livre alors que j'ai écouté déjà un podcast. Du coup, je me rappelle ni de l'un, ni de l'autre. Ni du livre, ni de l'émission que j'écoutais. Mais comment on peut faire ça? Ouais, c'est ouin ouin. Bah, on a envie de faire plein de trucs en même temps, puis bon, ça marche pas. Ouais, ça. Effectivement. Sur Twitter, il y a Jeff qui dit « Je me suis fait avaler ma carte au distributeur après avoir tapé 3 fois le code d'entrée de mon immeuble. » Ah mince. C'est bien ça. Tout à l'heure, 6h-9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then sabes controlar y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra

another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, the one. Manu doublera votre salaire dans plus trop longtemps. C'est à 7h05 exactement et 8h05 du matin sur Energy. Alors se faire doubler son salaire par ces temps très difficiles, c'est franchement cool. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur energy.fr ou son appli Manu dans le 6-9. Pendant Marshmallow, on adore ça ici. Et un dernier passage de Manu, prêt à faire la radio avec vous à 6h sur Energy. Manu dans le 6-9. Ce que je veux pour Noël, c'est Manu sur Energy. Pour 21% des gens, c'est la chose la plus honteuse à demander à la pharmacie. Qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est les préservatifs? Non, c'est pas les préservatifs. Ah. Un truc pour pas ronfler? Non plus. Une crème pour les hémorroïdes? Non. Oh, ah, c'est chaud, ça. Mais alors, on se rapproche de l'univers, si ah, je peux dire. Les suppositoires? Non. Un truc pour les verrues? Non plus. De l'univers, tu veux dire la zone? Oui, la zone. Les laxatifs? Les laxatifs. Ah, ah, ouais. Pour 21% des gens, c'est la chose la plus honteuse à demander à la pharmacie, ouais. Les laxatifs. Ouais. Ouais. Ah, surtout si la personne le répète, toi tu le dis pas trop fort, elle dit pardon, vous voulez quoi? Des laxatifs? J'ai pas entendu. Vous avez pas entendu là-bas? Il veut des laxatifs. C'est ça. Là c'est gênant. Ouais. Et t'as un mec derrière qui est hyper pressé qui lui veut au contraire un truc pour bloquer. Vite, s'il vous plaît, vite, j'aimerais commander, vite. Quel est le moment où vous êtes le plus gêné? Moi je vous l'ai déjà dit, bah, c'est le PQ quoi. Ah, quand j'achète du papier toilette et que je fais mes courses, je suis gêné. Et quand je pose sur le tapis, je suis obligé de camoufler et de mettre plein de trucs au-dessus. Tu caches, toi, je vous avais même mis une photo il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Mais c'est encore plus voyant du coup. Ton oui, mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas. Et souvent, les gens disent mais pourquoi vous faites un tas? Ah, laisse-moi. À quel moment vous êtes obligé de faire un truc et. Ah, oh, là, c'est compliqué, c'est gênant. Nico? Moi, c'est quand on me fait goûter le vin au resto. Surtout quand j'ai pas choisi, on est plusieurs à table. Qui goûte le vin? Bah tiens, c'est Nico. Ce qui fait qu'on me sert et je suis obligé de faire des trucs débiles, genre faire tourner le vin à l'intérieur du verre et tout. Tu sais que moi, un jour, j'ai déjà goûté le vin. J'ai dit, il est bon, il le sert à tout le monde. Ouais. Et là, il y avait 2-3 personnes qui s'y connaissaient qui ont fait. Mais non. Il est bouchonné. Oh, là, c'est gênant, goûter, là. Les gars. Et c'est là, t'es gêné, là. Ah, bah, ouais. Tu fais, ah oui, effectivement, j'avais dû mal goûter. Enfin, ça, on te juge, tout le monde te regarde. Mais oui, mais il y a un moment, si tu t'y connais en vin, dis que c'est toi qui goûtes. Bah oui, c'est vrai. Ne laisse pas les autres qui s'y connaissent pas goûter le vin. Vous m'en voulez après. C'est vrai. Alors, je te ferai bouffer ton vin, moi. Bah oui, il est bouchonné. Bah oui, mais t'as qu'à le goûter avant. On amène bien un coca pour tout le monde. Sabrina, bonjour. Bonjour, bonjour Manu, bonjour les mamans, pardon. Coucou. Je t'en prie Sabrina, tout va bien, détends-toi, c'est pas grave. Quel est le moment dans la vie où t'es un peu gênée? Alors moi, dans la vie où je suis gênée, c'est quand je suis dans l'ascenseur et qu'il y a une odeur et qu'il y a une personne qui vient en même temps que moi et qui croit que c'est moi. Ah, mais c'est dur, la, ça. C'est la pire chose. Oui. Donc je peux te dire que je compte les taches que j'ai dans mes chaussures. Ouais. Et le pire, c'est si tu te justifies, parce que ça fait vraiment... Ah bah c'est pire. Ouais, c'est pas. Ça, c'est pire que tout. En disant, je vous assure, c'est pas moi. Bah, c'est toi, alors. C'est toi. Non, mais, rien que le regard, déjà, je me dis, il croit que c'est moi. Non, c'est pas moi. La solution, Sabrina, prend l'escalier. Voilà. Merci. Non, la solution, j'ai un petit site. Donc, c'est très bien maintenant. Excuse-moi, Sabrina, c'est encore pire. Si t'es dans l'ascenseur, qu'il y a une odeur, et qu'il y a quelqu'un qui monte, et au moment où la personne monte, toi, t'es en train de le faire pchit-pchit. Et hey, tu sais quoi? Ça s'appelle clairement « J'avoue mon crime ». Ouais, c'est ça. Merci de nous avoir appelé, Sabrina. À quel moment dans la vie bah, vous êtes un peu gênée, quoi? Isabelle? Moi, c'est quand on me pose des questions sur mes ex. Parce qu'en fait, j'ai pas d'ex. J'ai eu qu'un seul homme dans ma vie, moi. Un seul, je l'ai rencontré au lycée. Et quand on dit ça, du coup, tu dis « Ah bah moi, je suis désolée, j'ai pas le... » Je suis hyper gênée, même. Entre, tu vois, entre copines, on se fait des soirées et tout. Elles se racontent des trucs d'ex et tout ça. Et moi, je me sens un peu... En fait, le vrai problème, c'est que tu t'es énervée parce que tu peux pas dire du mal de nous, en fait. Comment ça? Bah parce que à chaque fois que vous parlez de vos ex, vous dites toujours alors lui c'était un gros. Exactement. Non, si ça m'empêche pas de dire du mal des garçons. Tiffany, bonjour. Oui, bonjour l'équipe. Bienvenue sur Énergie. Tiffany, à quel moment dans la vie t'es vraiment gênée? Alors moi en fait c'est quand j'appelle mon toiletteur pour demander est-ce qu'il fasse la toilette de ma chatte. Ah oui, forcément. Voilà. C'est comme Laura Monneur. Bonjour, est-ce que vous voulez venir ramener ma cheminée? C'est la même. Surtout si tu t'es planté numéro et que t'as appelé ton banquier. Quoi. Pardon, madame.

comme un ange qui la nuit me protège. Chaque fois que la solitude me brise, nos souvenirs. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Bienvenue dans une nouvelle émission, comme chaque maintenant, non. Bizarre. Oui, je sais. Nous sommes lundi, c'est le 17 décembre 2018. Nous avons une nouvelle Miss France. Ouais, oui. C'est pas mal. Hein. J'allais dire pas mal, mais enfin, en même temps, c'est une Miss France, c'est normal. Hein. C'est ouais. rare qu'après une nouvelle Miss France, on dit oh la vache, la vilaine. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'ai regardé Miss France. Bah ouais. Tout en entier. Tout en entier. Non, enfin à la ouais. fin quoi. Le... Ouais, c'est beau, ouais. Ah, il y a des gens qui regardent dès le début. Oui. Désolé, je savais pas. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va en parler évidemment de la nouvelle Miss France. Il est 5h55 avant de démarrer l'émission à 6h. Comme chaque jour, nos 5 minutes à nous, nos 5 minutes de notre club. J'allais dire très fermé, mais en même temps qui est très ouvert. Il suffit juste d'être réveillé et d'être là avec nous le matin. Mm-hmm. Et vous en faites directement partie, le club du 555. Ce petit moment qui nous lance la journée chaque jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire. J'aimerais citer quelqu'un. Ouh là là, j'ai peur. Je crois que c'est Voltaire qui a dit une envie d'écouter Adèle, c'est comme une envie d'aller faire pipi. Ah ouais, ouais. C'est Voltaire, ouais. C'est Voltaire. Ouais, ouais, je te confirme. Ça ne se contrôle pas. Ah oui, c'est vrai. Ok. Quand vous avez envie de faire pipi, vous pouvez pas dire je le ferai dans 20 minutes. Non. Je le ferai dans. Non. Et bah écoutez Adèle, c'est pareil. J'espère qu'elle m'écoute parce que cette phrase est vraiment magnifique ce que je viens de faire. Et ce matin, je me dis. J'ai une envie d'Adèle. Ok. Ça fait très longtemps. Rolling in the Deep sur Énergie. Soyez les bienvenus. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. It's bringing me out the dark.